La narration de l'anthropologie occidentale telle que nous l'apprenons à l'école fonde les débuts de la civilisation dans le croissant fertile avec les Sumériens vers 3000 ans avant notre ère. Quant à ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique, en dehors des trois grandes civilisations tardives que sont les Incas en Amérique du Sud, les Aztèques et les Mayas en Mésoamérique, eh bien ma foi, ça reste assez flou. Et pourtant, après le peuplement du continent américain, dont nous avions d'ailleurs parlé ici, et on va vous mettre le lien, comme d'habitude, sur le fil Twitter Atlantique, la méthode FC, dont il est fort probable qu'il remonte d'ailleurs à avant la date officiellement retenue de moins 15 000 ans, de nombreuses civilisations antérieures à ces trois grandes civilisations historiques ont émaillé les deux sous-continents. L'une des plus connues, les Olmèques, donne lieu à une exposition en ce moment au musée du Quai Branly, que nous vous ferons d'ailleurs visiter tout à l'heure, à défaut eh bien, de pouvoir malheureusement y aller avec le nouveau confinement qui va débuter ce soir. Mais il n'y a pas que les Olmèques, de nombreux sites montrent des peuplements précoces, le développement d'une sédentarisation, de techniques, de croyances particulières qui ont diffusé plus ou moins régionalement, voire du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Ce sont ces civilisations mal connues dont nous allons vous parler aujourd'hui. Écoutez la façon dont nous les percevions pour ce qui concerne la Mésoamérique en 1951. Nous sommes dans l'heure de la culture française. Il semble bien que dès cette époque, entre 3310 ans et 2422 ans, les Indiens connaissaient l'agriculture et cultivaient le maïs et le haricot. Ils savaient également modeler l'argile avec laquelle ils faisaient des figurines quelquefois peintes et des tripodes à pied bas. L'arme dominante était le propulseur de flèches. Le travail de la pierre est représenté par des haches polies ordinaires qui peu à peu ont donné naissance à des figurines humaines. Cette civilisation archaïque a un domaine qui dépasse largement le territoire mexicain, puisqu'on retrouve ses places dans toute l'Amérique centrale, au Venezuela, en Colombie, en Équateur et sur la côte du Pérou, et même sur le cours tout à fait inférieur de l'Amazone. On admet généralement que ces peuples de civilisation archaïque s'appelaient les Olmèques, dont on ne connaît pas la langue. À leur tour, ils furent soumis par les Toltecs, peuple de langue nahua, c'est-à-dire parlant déjà une langue apparentée à la langue nahuatl, qui est l'idiome des Aztèques. Voilà la... Eh bien, une sorte de tentative de définition des Olmèques tels que bien étaient les niveaux de connaissance en 1951. Peut-être Brigitte Faugère, une réaction à cette archive? Oui, c'est assez drôle, en même temps assez émouvant d'entendre ce commentaire. En fait, les connaissances ont terriblement progressé depuis, bien entendu, et le pont entre les Olmèques et les Toltèques est bien connu, puisque il y a plusieurs grandes civilisations qui vont se développer sur l'ensemble de, en tout cas en Mésoamérique, en Amérique centrale et dans les Andes, au cours de cette période. C'est intéressant d'ailleurs qu'ils disent si précisément entre 3310 ans et 2422 ans. Pourquoi cette précision, ce degré de précision-là? Alors c'est effectivement étonnant parce que c'était une époque où les datations radiocarbone étaient peu fréquentes. Et de toute façon, les datations radiocarbone ne permettent pas d'avoir des dates aussi précises, puisqu'elles fournissent des intervalles qui sont souvent de plusieurs centaines d'années. Et donc, voilà, c'est un peu un point d'interrogation. Je ne sais pas du tout sur quelle base cette personne a pu se baser pour fournir des dates à l'année près. C'est ça, on se demandait ça un peu aussi en écoutant l'archive avec notre réalisateur Olivier Bétard. Un mot, peut-être une réaction, Stéphane Rostin, sur... alors, vous êtes plutôt spécialiste, je le précise tout de suite, De l'Amazonie, mais néanmoins sur ces conceptions que l'on avait, qui sont effectivement aujourd'hui certainement un peu datées, 70 ans plus tard, de ces civilisations précolombiennes, pré-grandes civilisations aztèques, mayas et incas. Oui, c'est un peu le discours qui a perduré pendant tout le XXe siècle, de voir les cultures latino-américaines, américaines, à l'aune de notre propre culture, et donc il fallait qu'elles intègrent certains éléments comme l'urbanisation, l'art monumental, les édifices de pierre pour qu'ils soient admis dans le panthéon des grandes civilisations. Les autres étaient vus avec un dédain assez notoire, Et c'est ce que nous essayons, nous, archéologues, de combattre depuis plus de 60 ans. Et le travail est encore dur. Oui, alors c'est intéressant, hein, parce qu'on va détailler, on va évidemment pas pouvoir tout détailler, mais on va essayer de regarder dans un premier temps en Mésoamérique et puis ensuite plutôt dans l'Amazonie et dans le nord des Andes, ces différentes civilisations relativement anciennes. Peut-être qu'on pourrait commencer par s'interroger sur ce qu'on entend aujourd'hui et ce qui fait consensus pour définir ce que pourrait être une civilisation par opposition, je ne sais pas, à un peuplement. Quels sont les éléments d'appréciation, Stéphane Rossin? Je crois qu'on abandonne, on a vraiment abandonné l'idée de hiérarchisation avec, vous savez, autrefois il y avait le clan, la tribu, la culture, la civilisation, cette hiérarchisation qui correspondait à une hiérarchisation de la nature, puisque on pensait que plus la géographie était favorable selon nous pour les humains, et plus les civilisations étaient avancées. Je crois qu'on a abandonné complètement cette vision environnementaliste de la société pour caractériser chaque population, parce que là, il y a quand même un mélange entre la technologie, l'art, les inventions, tout ça est mis au même plan, alors que je pense qu'il y a plus de critères de définition d'une société, et on parle plus, le mot civilisation lui-même tend à être utilisé de façon beaucoup plus circonspecte par les scientifiques, en tout cas. Brigitte Faugère, votre sentiment à ce propos? Oui, eh bien, on parle beaucoup, en tout cas sur le continent américain, de culture. Mm-hmm. Qui ont chacune leurs caractéristiques, chacune leur rythme de développement, plutôt que de civilisation, qui est en effet un terme un peu calqué sur les connaissances de l'ancien monde et de l'archéologie plutôt dite classique. On voit qu'il y a beaucoup de ces cultures, ou en tout cas peut-être qu'il y a une persistance, alors est-ce encore le cas aujourd'hui, c'est la question que je vais vous soumettre, d'une proéminence de l'intérêt pour eh bien les cultures ou les civilisations, appelons-les l'un ou l'autre du croissant fertile, c'est-à-dire du Moyen-Orient, qui ont ensuite essaimé et donné la culture antique, puis la culture européenne, etc. Et finalement, un certain dédain pour ces cultures méso-américaines ou latino-américaines, qui montrent pourtant des degrés de développement tout aussi intéressants, si ce n'est parfois supérieurs en certains points, ou en tout cas tout aussi intéressants sur un plan archéologique, anthropologique et ethnographique, Brigitte Faugère. Oui, eh bien, les recherches ont débuté plus tard, d'abord. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que les connaissances ont tardé à arriver, que souvent les connaissances restent imprécises, encore aujourd'hui, puisqu'il y a d'immenses territoires qui sont en partie méconnus. Donc, il y a cet effet qui est évidemment très important. Et puis, il y a la vision qui est venue de l'Europe, avec cette perception tronquée, puisque les civilisations américaines sont fondamentalement différentes des civilisations européennes. Elles ont des caractéristiques et une idéologie, une mentalité très éloignée de ce qui peut être les cultures européennes. En revanche, je dirais que les universités américaines, y compris aux États-Unis, bien sûr, s'intéressent beaucoup à ce qui s'est passé dans ces régions, et que donc ça a été les universités américaines, les écoles de pensée américaines, se sont bien intéressées à cette archéologie. Qui a visité, qui a eu la chance et le privilège de visiter le musée d'anthropologie de Mexico en sort en général avec un souvenir assez bouleversé. Ça a été mon cas. Stéphane Rostin, peut-être un mot là-dessus, en tout cas sur l'intérêt que l'on porte en Europe à ces cultures et à ces cultures précolombiennes et avant, encore une fois, les grands empires les trois grands empires dont on parle tout le temps. Oui, alors je pense que justement l'interview que vous avez mis, la présentation que vous avez mis en début d'émission est assez symptomatique d'une époque où on voyait encore le reste du monde depuis l'Europe, où tout s'était passé, le diffusionnisme prenait encore dans les écoles, où tout est venu du croissant fertile. On a ce petit monde qui est un peu le maître étalon de la civilisation à l'échelle mondiale. Et donc, on a ignoré peut-être les développements locaux. L'Afrique centrale est un très bon exemple aussi de territoire ignoré pendant très longtemps. Jusqu'au XXe siècle, on s'aperçoit que des sociétés différentes, mais très avancées, ont fleuri en dehors de l'influence européenne. Et je pense que Brigitte avait tout à fait raison de dire que l'Amérique est un cas puisqu'il s'est développé sans aucun contact avec l'Europe jusqu'à la conquête et la colonisation à partir de 1492. Et donc on est face à des sociétés totalement originales et qu'il nous faut apprendre, et nous, les scientifiques les premiers, apprendre à comprendre avec des outils adaptés à ces cultures si différentes. Et ce qui est intéressant pour dresser un dernier petit panorama global, et on va voir, et ensuite on va s'intéresser à des cas particuliers, mais c'est que, encore une fois, en amont des trois grands empires, on se rend compte qu'il y a une dissémination sur tout le sous-continent ou le continent latino-américain, la Mésoamérique en tout cas, une dissémination de cultures plus ou moins évoluées, avec laquelle eh bien, certains, on trouve parfois une sorte de coalescence ou en tout cas des points de contact culturels ou archéologiques ou architecturaux et puis parfois enfin c'est en fait on a plein de petits foyers de civilisation qu'on a du mal à relier les uns aux autres et dont on a du mal à sortir une sorte d'histoire qui serait une sorte d'histoire phylogénétique ou en tout cas un arbre civilisationnel qui est très épars et très buissonnant Brigitte Faugère. Oui, c'est vrai à une certaine échelle, à l'échelle du continent. Mais plus on travaille et plus on comprend, on mesure les liens qui unissaient les différentes cultures, les différentes civilisations, et on mesure notamment de mieux en mieux les liens commerciaux, les dynamiques commerciales, les dynamiques culturelles en général, qui existaient sur des régions qui étaient en réalité très étendues. Donc je dirais que à l'échelle continentale, on peut avoir cette impression puisque on est sur des territoires immenses où nos connaissances sont encore fragmentaires, mais que grâce à nos pratiques, à l'archéologie, au développement des chantiers, au développement des fouilles de plus en plus précises, on mesure justement de mieux en mieux les liens qui unissaient ces différents groupes. Stéphane Rostin. Il faut quand même reconnaître que on est un peu tous coupables dans cette attitude, puisque généralement, quand on parle d'Amérique précolombienne, on parle essentiellement des Mayas d'une part et des Incas d'autre part. Les autres populations sont régulièrement ignorées, et le fait qu'il y ait une exposition chez les Olmecs, c'est quelque chose de très original. On a un peu tendance à se focaliser sur les stars, j'ai envie de dire, précolombiennes, et de pas penser que les Inuits, les Indiens des Plaines, là où travaille Brigitte, dans le nord-ouest du Mexique, ou dans le cône sud de l'Amérique, on a eu des populations aussi brillantes. Et je vais vous donner un seul exemple. Vous parlez du croissant fertile, qui est un des centres de domestication des plantes et animaux de par le monde. Il y en a une quinzaine à peu près de centres de domestication de plantes dans le monde. Dans le croissant fertile, c'est 3-4 plantes qui ont été domestiquées, je pense. Rien qu'en Amazonie, on n'est pas loin de 100 plantes domestiquées, dont le cacao qui aurait été domestiqué 1500 ans avant le Guatemala. On a des populations qui étaient très avancées, mais qu'on ignore parce qu'elles n'ont pas fait de grands temples, elles n'ont pas taillé la pierre de la même façon que les autres. Elles sont restées plus discrètes, peut-être plus interconnectées avec la nature. Et c'est ce regard-là qu'il faut qu'on apprenne à gérer, à vrai dire. France Culture, la méthode scientifique. Nicolas Martin. Et à 16h20, nous allons nous intéresser donc à deux de ces centres géographiques civilisationnels, avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour de ce terme de civilisationnel. On va parler dans un premier temps de la Mésoamérique et notamment de l'exemple des Olmecs en lien avec l'exposition en cours au Quai Branly que nous allons aller visiter dans quelques minutes. Et puis tout à l'heure, on parlera aux alentours de 16h40 de l'Amazonie et donc peut-être aussi du nord des Andes dans un deuxième temps et de voir quelles ont été là les civilisations qui ont précédé l'Empire Inca. Pour commencer donc avec vous, Brigitte Faugère, sur la Mésoamérique, Stéphane Rostin le disait à l'instant, on compare au croissant fertile, mais finalement la plaine littorale du sud de Veracruz qui est la plaine où on a retrouvé, ou en tout cas se sont établis les Olmecs, est tout à fait comparable en termes de fertilité, de zones accueillantes accueillante pour le début finalement d'une sédentarisation et du déploiement d'une civilisation, en l'occurrence la civilisation Olmec. Alors, bon, ça peut paraître un petit peu contradictoire parce que la zone où s'est développée la civilisation Olmec est considérée aujourd'hui comme assez inhospitalière. Ce sont donc des zones tropicales humides, marécageuses, avec traversées par des fleuves qui déroulent des méandres, qui s'interconnectent, mais qui rendent la circulation terrestre relativement difficile. Ce sont des terres qui sont fertiles, mais qu'il faut aménager pour qu'elles soient fertiles. Et notamment, elles ont besoin de drainage, de systèmes de drainage, parce que c'est des régions où il pleut beaucoup en saison des pluies, donc avec des problèmes d'inondation. Et donc, des systèmes techniques qui ont dû être développés pour mettre en valeur ces régions par l'agriculture. Donc, a priori, c'est un petit peu, voilà, une contradiction, puisque nous, aujourd'hui, on perçoit ces régions comme plutôt inhospitalières, difficiles à exploiter pour l'agriculture. En ce moment, ce sont surtout des zones de pâturage. Elles sont assez mal cultivées, alors qu'à l'époque précolombienne, c'est des régions qui ont pu être mises en valeur. Mmh. Quelles sont les premières traces dont on dispose qui établissent dans cette plaine littorale de Veracruz les Olmecs ou ce qui va devenir la culture Olmec? Alors, les débuts sont mal connus encore, en réalité, puisque entre avant 1500 avant Jésus-Christ, on a assez peu d'informations. On a des indices qu'il y avait des villages agricoles, des petites maisons qui avaient été construites le long des fleuves. Donc, ces fleuves qui déroulent leurs méandres à travers la plaine, cette plaine littorale. Mais on a assez peu d'informations concernant la vie de ces agriculteurs, de ces premiers agriculteurs, puisque le milieu, les pluies ont énormément détruit, ont causé des dommages aux structures archéologiques qui sont donc difficiles à connaître, difficiles à fouiller. En réalité, on connaît beaucoup mieux à partir de 1400 avant Jésus-Christ, avec l'émergence des grands sites, de sites qui sont construits dans des zones protégées, dans des zones surélevées, d'ailleurs, qui peuvent être des zones artificiellement modelées, aménagées, de façon à construire des centres cérémoniels, des centres monumentaux qui sont plus faciles à reconnaître par les archéologues. On laisse entendre, alors je parle évidemment sous votre contrôle, que donc les premières traces de présence dans cette vallée qui aurait donc donné lieu à la culture Olmec serait autour de moins de 2500 ans avant notre ère, et que finalement le cœur de la civilisation Olmec c'est autour de entre 1200 et 900 avant notre ère. C'est à peu près cette amplitude chronologique là qui est la bonne selon vous, Brigitte Fogère? Oui, bien que, comme je le disais tout à l'heure, les premiers vestiges sont très difficiles à percevoir archéologiquement. En revanche, on peut trouver des traces palynologiques qui montrent qu'effectivement, il y avait la pratique de l'agriculture, que donc il y avait des agriculteurs. Et donc, à partir de 1400 et surtout de 1200 avant Jésus-Christ, là, on va avoir des sites monumentaux, plusieurs capitales entourées de sites satellites, où là, on commence à bien connaître effectivement cette civilisation Olmec dans toutes ses manifestations, à la fois architecturales et dans l'iconographie. C'est-à-dire qu'on serait, alors si on compare ça au développement de la civilisation au Moyen-Orient, les Olmecs seraient des contemporains des Phéniciens, c'est cela à peu près? Oui, à peu près. À peu près. Bon, c'est juste donc pour donner une référence chronologique aux auditrices et aux auditeurs, c'est-à-dire antérieure à la Grèce antique. La première pyramide, c'est celle de la Venta, qui est à peu près datée à moins 1000, c'est cela? Voilà, qui est daté à moins 1000. C'est donc une des caractéristiques principales de ce site de la Venta. Mais il y a un autre grand site qui serait pour lequel on a des datations à partir de 1400 et puis surtout à partir de 1200 avant Jésus-Christ. C'est le site de San Lorenzo, qui est aussi dans cette région des basses terres de la côte du Golfe. Et la Venta est aussi l'autre grand site avec une pyramide, alors qu'à San Lorenzo, on n'a pas ce type de construction. Qu'est-ce qui définit, Brigitte Faugère, la culture olmèque? Quels sont les premiers traits qui la rendent caractéristique et qui la définissent comme, bien, comme unité culturelle, en quelque sorte? Alors, bon, c'est d'abord l'architecture, je dirais, avec la mise en place, l'apparition à cette époque de sites monumentaux qui vont comprendre des centres cérémoniels organisés, construits selon des principes urbanistiques qui vont être repris par la suite, qui sont des architectures en terre. Alors ça, c'est une particularité de la civilisation olmèque. Et c'est aussi la raison pour laquelle les sites sont très mal conservés, parce que c'est une région où il pleut beaucoup, et donc ces structures en terre sont terriblement érodées par les pluies et par le temps. Mais donc ce sont des constructions monumentales qui font plusieurs dizaines de mètres de long, qui sont construites en angle droit, avec des angles droits, donc qui ont des formes globalement carrées ou rectangulaires, et qui sont orientées sur les points cardinaux. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on va retrouver dans l'architecture mésoaméricaine. Alors, je vous propose... Oui, allez-y, je vous en prie, continuez, pardon. Oui, et donc ces constructions vont s'orienter sur les points cardinaux, vont former des places. Elles sont... Et ça aussi, c'est une caractéristique de l'architecture mésoaméricaine, et avec l'utilisation également des pyramides qui apparaît sur le site de la Venta. Je vous propose, puisque, compte tenu des circonstances, les musées, les espaces culturels vont malheureusement fermer à partir de ce soir, nous vous proposons peut-être d'aller faire un dernier tour au musée si vous n'avez pas la chance d'habiter immédiatement à côté du musée du Quai Branly et d'aller visiter cette exposition consacrée aux Olmèques. Un dernier pied au musée avant le confinement, c'est grâce à vous, Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu, donnez-nous... proposez-nous cette dernière visite au musée. On a eu la chance, en tout cas avec François Malardy de la méthode scientifique, d'aller visiter cette très belle exposition intitulée « Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique » au musée du Quai Branly. On a rencontré Steve Bourget, qui est aussi le responsable des collections Amériques au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Il nous a fait faire la visite de cette très belle exposition, qui j'espère pourra prochainement de nouveau être visible et ouverte au public. Steve Bourget nous a parlé de l'importance de cette culture olmèque pour toute la région de la Mésoamérique, et on a pu contempler, entre autres, la célèbre statue dite du Señor de las Limas, ainsi que l'ensemble statuaire très impressionnant des jumeaux et des félins dits des Azuzules. C'est un groupe culturel qui a probablement, en premier lieu, été concentré dans la région du Golfe du Mexique. C'est fort probablement le premier grand groupe à construire des sites monumentaux, à faire des grandes sculptures, à devenir de plus en plus complexes. Donc, ils vont marquer leur époque, leurs contemporains vont imiter leur style, vont s'associer avec eux fort probablement, et vont laisser dans leur histoire plusieurs éléments, dont la première pyramide, la forme des pyramides va être reprise de multiples fois par de différentes cultures, les stèles. Ils vont même, à la toute fin de leur période, nous laisser deux grands éléments du monde mésoaméricain, la chronologie, c'est-à-dire le contrôle du temps, et puis l'écriture. C'est ce qui fait du coup que les Olmèques sont un petit peu considérés souvent comme une civilisation matricielle pour cet espace du monde. Oui, on les a, dans les années 50, on les avait appelés la culture mère de la Mésoamérique. C'est un terme un peu faux dans le sens que ça sous-entendait que toutes les autres cultures étaient issues de ce substrat olmèque, mais en fait, il est à peu près certain que ce qu'ils nous ont laissé, c'est plutôt la diffusion d'éléments symboliques très importants, religieux très importants, dont des dieux de la pluie, dont une vision de l'espace, une vision du monde comme étant étagé, dans lequel on retrouve le ciel, la terre et l'inframonde, ce qui est très important en Mésoamérique, et une façon de se connecter avec ces différents niveaux. Alors, on a planté le décor un petit peu et présenté cette civilisation-là. Est-ce qu'on pourrait maintenant observer, parce que l'expo est vraiment très très belle, il y a plein de statues qui sont magnifiques, est-ce qu'on pourrait se concentrer sur certaines d'entre elles? Est-ce que vous pourriez m'en parler? J'aimerais retenir peut-être les deux groupes de sculptures qui retiendraient l'attention pour le moment. Ce serait la première que nous présentons au tout début de l'exposition. Celle devant laquelle on se trouve actuellement. Oui, qui s'appelle le Señor de las Limas, qui est une sculpture en serpentine de 55 cm de hauteur. La serpentine est de la famille du jade, donc c'est une pierre extrêmement dure, presque aussi dure que l'acier. Et cette sculpture représente un individu qui tient dans ses bras probablement le plus vieux dieu Olmec, c'est-à-dire un dieu lié, d'après les études, à la régénérescence, à la pluie, au maïs, qui est très important, qui est la base à la fois de l'alimentation et par extension de la culture. Donc, cette sculpture-là est vraiment d'une très grande beauté et c'est probablement l'un des éléments dans l'art statuaire Olmec les plus importants. C'est une sculpture qui est très étonnante parce que l'enfant est allongé dans les bras d'une personne assise et l'enfant est comme liquide. Oui, en fait, c'est un faux bébé, je dirais, oui, dans le sens où on l'a souvent appelé un bébé, le bébé. Moi, je l'appelle le dieu mou parce qu'il est effectivement très flasque. On dirait qu'il n'a pas, on dirait et je crois qu'il n'a pas d'ossements dans son corps. Ça, c'est un concept assez complexe qui relève de l'idée de l'ancienneté des dieux. Certains dieux sont tellement anciens qu'ils sont arrivés dans l'univers avant l'arrivée des ossements, si tu veux. On retrouve ça dans plusieurs religions. Les ossements posent problème dans les religions, donc il faut toujours en discuter, je dirais. Le deuxième groupe que j'aime beaucoup, c'est le groupe qu'on appelle des Azuzules, pas juste pour le terme, mais aussi il s'agit de quatre sculptures monumentales, dont deux représentent des jumeaux qui sont agenouillés devant deux grands félins. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Oui, je vous en prie. Oui. Bon, allons-y. Donc, le groupe des Azuzules que nous voyons ici est un groupe de quatre sculptures et nous les avons remis dans l'alignement originel tel qu'il avait été trouvé il y a déjà une quarantaine d'années. Donc, on voit deux individus qui sont absolument identiques, qui sont peut-être des jumeaux, qui regardent vers deux félins. Le félin le plus grand fait presque 1,80 m de hauteur et pèse plus de 2 tonnes. Donc, ce sont en fait des objets qui avaient été disposés à quelques kilomètres à peine du site le plus ancien des Olmecs, San Lorenzo, et servait fort probablement d'accueil, je dirais, pour les gens qui arrivaient au site par la voie maritime. C'était une propagande non déguisée, je dirais, par les gens de San Lorenzo, pour montrer les fondements même du monde Olmec, du monde tel que l'imaginait. Donc, ce sont des sculptures qui, du moins, c'est l'hypothèse la plus plausible, qui montre en fait deux individus, des jumeaux, qui sont les individus qui vont aider à créer le monde Olmec, c'est-à-dire qu'ils viendraient peut-être de l'inframonde, puisque dans d'autres scènes, ils sont représentés comme sortant d'une caverne. Et ils tiennent dans leurs mains un bâton qu'ils vont s'apprêter à lever tout droit devant eux et qui serait le fameux axe Mundi, l'axe central du monde, un concept éminemment mésoaméricain qu'on retrouve dans toutes les cultures subséquentes. Donc c'est vraiment le moment de la création du monde et c'est probablement parmi les plus belles statues qu'on connaît de l'art Olmec. Dans ce que vous dites, il y a quelque chose que je note, c'est que vous utilisez beaucoup le conditionnel. Est-ce que, concernant la civilisation Olmec, il y a beaucoup de choses qui sont encore sujettes à interprétation? On n'a pas encore de véritable certitude. En archéologie, il y a très peu de certitudes. Et ceux qui en ont, se font souvent débouter après quelques années. Mais je dirais que, effectivement, c'est une société qui a encore beaucoup à nous apprendre. On comprend, on ne connaît pas encore le système d'écriture, on n'arrive pas tout à fait à le déchiffrer, loin de là. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui restent à découvrir. Il ne faut jamais oublier que l'apparition des sociétés complexes est un événement assez rare dans le monde. Donc, quand ça se produit, c'est toujours un domaine de recherche à la fois extrêmement excitant, mais très complexe en même temps. Voilà cette visite auditive dont on espère que vous en avez profité de cette exposition au musée du Cré Branly sur les Olmecs. Peut-être un mot, Brigitte Faugère, peut-être si vous voulez dire un mot sur l'exposition en espérant pouvoir encore une fois y retourner la visiter rapidement, mais sur une énigme particulière qui a fait une sorte de particularisme en fait de cette civilisation ou de cette culture Olmec, c'est la question du langage écrit. Oui, alors l'émergence de l'écriture est bien connue pour la civilisation maya, où là on sait parfaitement transcrire les textes, et donc des textes qui sont aussi accompagnés de dates, hein, que l'on peut traduire au jour près. Donc, ce qui permet d'avoir une approche historique hein, une partie tout au moins de la civilisation maya. On sait que l'écriture a une origine chez les Olmèques, mais les premières traces sont difficiles à suivre. D'abord parce que on a peu d'éléments, peu de textes, que c'est la majorité de ces textes sont post-Olmèques, c'est-à-dire qu'ils interviennent, ils datent de la période entre les Olmèques et l'émergence des Mayas, donc ils ne sont plus vraiment totalement Olmèques, et que les pièces les plus anciennes sont assez rudimentaires, avec on considère que ce sont plutôt des protoglyphes, et que donc l'écriture était en processus de formation, d'élaboration, de complexification, et que cette évolution s'est déroulée en fait entre la fin des Olmèques et le début des civilisations postérieures. Et je précise hein, pour les auditeurs et les auditrices qui viennent de nous rejoindre qu'on va évoquer dans quelques minutes la question bien de ces civilisations précolombiennes, pré-Inca sur pour le coup le territoire sud-américain dans les Andes et dans l'Amazonie. Mais tout de suite, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Svetlana Vassiliev. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en quatrième année de thèse au laboratoire archéologie des Amériques à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Vous travaillez sur apparence, identité, culture, une approche technologique et tracéologique des modifications dentaires en Mésoamérique. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Merci. Donc oui, la modification dentaire était une des modifications corporelles qui était pratiquée par les sociétés précolombiennes. Elle se réalisait du vivant de l'individu et consistait à limer une ou plusieurs dents dans différentes formes ou à y incruster des petits disques de pierres précieuses. Et ce pour des raisons diverses, qu'elles soient esthétiques, religieuses ou encore pour marquer une identité ethnique ou sociale. Donc les premiers témoins archéologiques qu'on a sont assez précoces, hein, dès 1400 avant notre ère. Ils apparaissent dans les vallées de Mexico et de Oaxaca, d'où la pratique semble se diffuser dans le reste de la Mésoamérique, jusqu'à son éradication par les Espagnols quand ils arrivent sur le territoire au XVIe siècle. Donc les hommes et femmes étaient concernés, principalement adultes, avec de rares cas chez les enfants, ainsi que toutes les classes sociales, à quelques exceptions près. Donc les nombreuses modifications qui ont été mises au jour ont depuis plus d'un siècle fait l'objet de recherches qui les ont surtout abordées sous un angle morphologique, stylistique et chronoculturel, et leurs possibles significations, à savoir qu'on compte aujourd'hui plus de 70 formes différentes selon la forme de modification et son emplacement sur la dent. Donc voilà, mais les processus techniques, qui ont été utilisés ont eux été rarement étudiés et essentiellement chez les Mayas, où l'utilisation de silex ou d'une pierre abrasive a été proposée. Aucun outil n'a non plus été identifié en tant que tel. Le rare témoin archéologique qu'on possède sur la technique provient d'une fresque qui semble représenter une salle de l'image dentaire hein, à Teotihuacan, ainsi que de rares mentions ethno-historiques qui évoquent l'utilisation de pierres et d'eau et qui étaient réalisées par des vieilles femmes. Donc c'est pour faire suite à cet état des lieux et en élargissant la provenance du corpus d'études que ma recherche s'intéresse principalement à identifier les techniques qui ont pu être utilisées pour réaliser ces modifications, en particulier au moyen d'une analyse technologique et tracéologique. Donc l'approche technologique, elle s'intéresse aux techniques qui sont mises en œuvre dans une production matérielle, qui concernent les outils, les gestes et les procédés de réalisation. Et la tracéologie, elle, c'est une méthode d'analyse microscopique qui vise à caractériser les micro-traces d'outils, donc chez nous, qui sont toujours présentes sur les dents, en sachant que chaque type d'outil, de matériaux et des gestes qui sont associés laissent une signature spécifique sur la matière qui est travaillée. Je tente ainsi de répondre à la question de savoir dans quelle mesure les modifications dentaires et les techniques qui leur sont liées constituent un marqueur culturel ou social des individus. Et je procède pour ça à des comparaisons diachroniques régionales et interrégionales à partir de l'étude des ossements et des dents d'individus qui proviennent de quatre grandes aires culturelles de Mésoamérique. Et cette étude doit permettre de mettre en évidence deux choses. D'une part, l'existence de traditions techniques différentes. Donc, dans l'hypothèse où chaque groupe culturel applique ses propres techniques, comme c'est déjà démontré dans le travail d'autres matériaux, comme les objets lithiques ou en coquille, par exemple, je devrais pouvoir aussi démontrer dans quelle mesure les variations formelles dépendent en réalité de variations techniques et non plus stylistiques, seulement stylistiques. Donc les dents modifiées, elles sont observées au microscope et je réalise en parallèle mon propre programme expérimental dans le but d'établir un référentiel de comparaison. Ces tests sont réalisés sur des dents modernes qui sont fournies par un dentiste avec qui je collabore et surtout à partir des modèles archéologiques et ethnographiques existants. Et c'est notamment le cas pour les témoignages qui viennent d'Afrique ou d'Asie, où l'image dentaire est encore pratiquée aujourd'hui. D'autre part, cette étude a aussi pour but d'évaluer les implications socioculturelles de la pratique dans les sociétés qui sont étudiées. Pour ça, je réévalue la question du statut des individus en prenant en compte leur âge au décès, leur sexe, la présence d'autres pratiques corporelles comme la déformation crânienne, hein, qui était courante aussi, et les pratiques funéraires dont les individus ont fait l'objet et qui sont des indices sur le statut qu'ils ont pu avoir dans leur société et sur la signification de leur modification dentaire. Est-ce qu'elle exprime un statut social, une appartenance à un groupe ou un rite de passage, par exemple? Mmh. Allô? Oui. Mais non, pardon, on vous a perdu un instant, je vous laisse conclure, Svetlana Vassiliev. Oui, juste pour terminer, dire que ça devrait, donc cette étude devrait permettre de mieux comprendre la distribution de cette pratique au sein des populations et son évolution dans la diachronie, mais aussi d'apporter de nouveaux éléments de réflexion sur la diversité des comportements sociaux, culturels et techniques, évidemment, qui entourent cette pratique qui diffuse. Merci beaucoup, Svetlana Vassiliev. La recherche montre en main, on peut vous réécouter en podcast sur l'application Radio France et évidemment sur franceculture.fr, sur la page de la méthode scientifique. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h45, nous descendons donc un peu plus au sud vers l'Amazonie et les Andes. C'est là que l'on trouve, Stéphane Rostin, la plus ancienne civilisation. Alors encore une fois, on met évidemment tous les guillemets et toutes les précautions épistémiques que nous avons posées au début de cette émission sur la notion de civilisation. Mais en tout cas, la plus ancienne culture déroulée, développée d'Amérique, je vais vous laisser préciser ça, celle qu'on appelle la civilisation Caralsupé. Oui, alors là, on est plutôt sur c'est peut-être pas la plus ancienne civilisation, mais c'est vrai que c'est un site important. Mais là, on est sur la côte pacifique, on n'est pas vraiment sur l'Amazonie, hein, où on va trouver des monuments de terre, parce que c'est vrai qu'on s'est un peu focalisé toujours sur les monuments de pierre, hein, donc présents dans surtout en Mésoamérique, mais il y a toutes sortes de civilisations sur l'Amérique du Sud. Et même en Amérique du Nord, dans le Mississippi, qui ont construit d'énormes monuments de terre, parfois beaucoup plus imposants que les temples de pierre de l'Amérique centrale. Et on va retrouver ça autant dans les Andes que sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud que dans toutes les basses terres de l'Est sud-américain. Caralsupé, juste pour qu'on replace là aussi sur le fil chronologique, on est même avant les Olmèques, hein, on est 2000 ans avant les Olmèques, c'est-à-dire on parle là en l'occurrence de culture pré-céramique, d'archaïque tardif. Est-ce que vous pouvez nous aider à replacer ça un peu sur une frise chronologique? Les frises chronologiques sont un peu compliquées sur les Amériques parce qu'elles ne correspondent pas toutes. Et justement, Caral est un peu un cas puisque ils n'ont pas de céramique. Et alors qu'ils ont des méthodes agricoles très avancées, ils ont un site très imposant avec des temples de terre, mais ils n'ont pas développé l'art céramique qui pourtant existe par ailleurs. Hein, la plus ancienne céramique des Amériques provient non pas des Andes ou de Mésoamérique, mais bien d'Amazonie, de la basse Amazonie, où il y a 5-7 000 ans, les premières populations sont essayées à faire de la céramique. Sur le Brésil actuel, hein, c'est ça. Vous pensez au site de dans le bas Amazon, oui. C'est ça, Pedra Pintada et Taperinha, c'est ça? Exactement, exactement. Alors par la suite, on va retrouver deux autres foyers de création sur la côte pacifique, juste un peu au nord de Caral, dans le sud de l'Équateur, et puis sur la côte caraïbe de Colombie. Donc il y a plusieurs centres de création de la céramique. Ce qui est difficile à définir dans le néolithique américain, c'est qu'on n'a pas forcément les trois critères présents à la fois, qui sont donc la sédentarisation, la céramique et l'agriculture. L'agriculture a pu se développer pendant des centaines d'années, des milliers d'années. On a pu cultiver des plantes non domestiquées. La domestication animale est très rare, hein, dans les Amériques. Donc on se concentre plutôt sur les domestications de plantes. Mais la gestion de ces plantes a pu se dérouler sur des millénaires et est toujours un peu délicat de vouloir être trop affirmatif. Comme le disait Steve Bourget tout à l'heure, le conditionnel est la langue des archéologues. Hein. Bien sûr. La question, parce que on y reviendra peut-être si on a le temps avec Brigitte Faugère, la question pour ce qui est de l'Amazonie et des Andes, il y a quelque chose d'intéressant, c'est la question d'une civilisation mère. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore ce concept de civilisation mère qui aurait égrené et qui aurait finalement créé des isolats, qui aurait donné lieu à d'autres formes et qui aurait développé d'autres formes de culture, ou est-ce qu'on est dans une sorte de fantasme de verticalité ethnographique? Non, je crois qu'on a un peu abandonné cette idée. Alors, c'est sûr qu'il y a des sites qui correspondent à des sociétés plus anciennes, mais de les voir comme des mers qui auraient égrené à droite, à gauche, je crois qu'on a un peu oublié cette idée diffusionniste de la culture, avec plutôt, on se penche maintenant vers des foyers de création indépendants, concomitants éventuellement, mais on voit pas un point central d'où est sorti. Alors ça marchait encore dans les années 70, ça marchait bien avec le système de déterminisme environnemental ou de diffusionnisme, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, on voit plutôt des créations indépendantes. Par exemple, le maïs aussi a peut-être probablement été aussi domestiqué en Amazonie bien après le Mexique. Mais on n'a pas encore trouvé l'espèce sauvage, le théosinthe, on ne l'a pas encore trouvé en Amérique du Sud, mais ce qui n'empêche pas que ce qu'il a pu être le maïs ne vient pas forcément du Mexique pour s'être diffusé sur l'Amérique du Sud. Je pense que c'est comme pour la céramique, il y a eu des foyers différenciés selon les régions. Donc l'idée de civilisation mère est quand même un petit peu archaïque, j'ai envie de dire. Un mot rapide, Brigitte Faugère, sur cette question. Aujourd'hui, on ne considère plus les Olmèques comme une forme de civilisation mère qui aurait ensuite un peu égrené plus tardivement et donné des isolats. Je ne sais pas, je pense à Teotihuacan ou à d'autres formes d'isolats, de civilisation qu'on ne sait pas bien rattacher justement aux grands empires suivants ou plus tardifs. Oui, on a un petit peu abandonné cette notion de civilisation mère parce qu'on s'est tout simplement rendu compte, grâce à la multiplication des recherches, qu'il y avait d'autres groupes tout à fait contemporains des Olmèques qui étaient aussi très développés et que les Olmèques ne l'avaient pas, n'avaient pas diffusé leur savoir vers ces groupes, mais qu'ils avaient leur propre trajectoire culturelle et que tout le système de religieux qu'a évoqué Steve Bourget dans l'interview, en fait, a probablement été élaboré en commun avec d'autres civilisations, que ce ne sont pas les Olmèques qui ont inventé ce système religieux, mais que c'est une création qui s'est faite en synergie avec des groupes, notamment de Oaxaca et du Mexique central. Mmh. Stéphane Rostin, autre question à propos du continent sud-américain. C'est vrai que il y a aussi une sorte de dichotomie que l'on retrouve peut-être qui elle aussi est dépassée. Vous allez nous le dire. L'idée selon laquelle finalement les populations et les groupes andins, les cultures andines auraient été les cultures plus évoluées, en tout cas technologiquement ou les plus développées, tandis que les cultures amazoniennes, elles, seraient restées à des stades plus primitifs de développement. Est-ce que là aussi, c'est un lieu commun auquel il faut tordre le cou, ou est-ce que ça recouvre une forme de réalité ethnographique? Tordre le cou, c'est peut-être un peu excessif. Je veux dire, il faudrait couper le cou carrément. Allons-y. Parce que, en effet, on a beaucoup souffert de cela, et les scientifiques, les premiers, on voyait en haut, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur la géographie qui décidait de la culture, on pensait que les hautes civilisations des hautes terres étaient les plus avancées parce qu'elles nous ressemblaient un peu. C'était des systèmes étatiques qui avaient quelques points communs avec nos sociétés occidentales. Et les sociétés qu'on a mal connues ou connues plus tardivement, dans les basses terres, notamment les terres qu'on estimait plus frustres, et ne connaissaient que des tribus peu avancées. On a complètement abandonné cette vision qui est quand même extrêmement eurocentrique. Il y a un exemple très clair. Personne n'aurait idée de comparer les Lacandons, les Mayas actuels, les pauvres paysans du Guatemala, avec les Mayas précolombiens, les grandes sociétés mayas. On sait bien qu'il s'est passé un événement qui est la conquête et surtout le choc microbien, enfin, sur l'actualité, là, hein, qui a décimé ces populations mayas. De même, dans les Andes, personne n'irait comparer le paysan quichua actuel avec les somptueuses sociétés incas d'avant la conquête. On sait qu'il y a un événement. En revanche, dans le cas de l'Amazonie, on a un peu tendance facilement à dire ils vivent comme ça aujourd'hui, de façon un peu dénuée, croit-on, et donc ils ont toujours vécu de cette façon. On ignore complètement ce choc microbien qui pourtant a aussi existé en Amazonie, où il a été très fort, puisque 90 à 95% des habitants sont morts sous le choc des nouveaux virus. Amenés par les colons au 15e, 16e siècle. Dès le 15e, avant même que les Européens commencent à visiter, les maladies avaient circulé par les... Parce qu'il faut voir l'Amérique précolombienne comme une immense fourmilière où les gens circulent sans arrêt, on échange sans arrêt, que ce soit en Mésamérique, dans les Andes ou en Amazonie, on échange et on voyage énormément pour des fêtes cérémonies, pour des grandes cérémonies, pour des batailles, pour aller vendre son matériel. On est sans arrêt dans l'activité et le mouvement. Ce qu'on a eu tort de faire, et les archéologues les premiers, ça a été de nier que le même phénomène de destruction et de reconstruction sociétale se soit passé aussi en Amazonie. Et pendant tout cela, jusqu'à la fin du XXe siècle, les Amazoniens étaient comparés aux Amazoniens actuels. C'est ce que j'essaye de démontrer dans mon analyse qui vient de sortir, où on a encore une spécificité en Amazonie, puisque on a beaucoup plus, c'est un monde assez sexiste, l'archéologie, sauf en Amazonie, où il y a deux fois plus de femmes que d'hommes qui pratiquent cette activité. Et donc, on a une espèce de d'îlot où sont les femmes qui ont participé aux grandes avancées intellectuelles de la science de la science archéologique en Amazonie. Amazonie, l'archéologie féminin, c'est le livre que vous venez de publier d'ailleurs à ce propos chez Belin. Un mot, alors c'est malheureusement on va manquer de temps, mais un mot rapide, Stéphane Rostin, aujourd'hui, quelles sont les preuves archéologiques dont on dispose de l'existence de groupes culturels structurés, anciens, peut-être pré-Inca, en forêt amazonienne, outre la céramique que vous avez évoquée. C'est vrai qu'il ne reste pas énormément de traces architecturales, en tout cas monumentales, comme celles que l'on peut retrouver, ou en tout cas de cultures, de figurines, de statues qui montreraient l'existence, la preuve de l'existence de ces sociétés, assez rapidement, malheureusement. Oui, alors d'abord, bien avant les Incas sont très tardifs. Bien sûr. Ils sont limités aux Andes, ils n'ont jamais mis les pieds en Amazonie, ils ont raté, ils ont été chassés. On trouve, alors pas seulement de la culture matérielle, je vous ai parlé des terrassements tout à fait exceptionnels, des monticules, des buttes pour cultiver, ils ont tracé des canaux un peu partout, élevé des chemins ou creusé des chemins. Il y a tout un réseau routier précolombien en Amazonie, qu'on découvre notamment grâce au lidar, qui est cette façon de voir sous la canopée le modelé de la terre. On va trouver aussi la science a fait telles avancées qu'on arrive à lire l'invisible quasiment avec les micro-restes des plantes, et on s'aperçoit qu'il y a une variété végétale cultivée et consommée énorme. Des échanges vraiment sur de très grandes distances, des sociétés qui vont perdurer, des mythes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui et qu'on arrive à relire sur des pièces anciennes, qu'elles soient en céramique ou qu'elles soient pariétales, comme le magnifique site de Siribekete en Amazonie, qui est un site pariétal qui a été le premier site archéologique précolombien classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO il y a 2 ans. Donc on commence petit à petit à découvrir ce qu'on ne soupçonnait pas dans cette immense forêt amazonienne qui, je le rappelle, c'est la taille de l'Australie, 7 millions de kilomètres carrés, donc c'est un continent sur un continent. Et oui, on en avait parlé justement au cours d'une émission consacrée à la forêt amazonienne, et on se rend compte que cette forêt qu'on décrit comme une forêt vierge est en fait une forêt qui a été modifiée de la main de l'homme depuis très longtemps, et que la trace de ces différentes essences et de ces modifications, on peut les retrouver aujourd'hui, et ça fait partie des traces archéologiques que vous décriviez, Stéphane Rostand, et qui montrent justement l'existence de ces groupes culturels développés. Bon, c'était beaucoup trop court, il faudra en refaire une autre, et on n'y manquera pas d'ici quelques semaines. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler eh bien, de ces civilisations précolombiennes, de leur diversité, de leur richesse. Merci Brigitte Faugère. Merci Stéphane Rostin. On peut vous lire Amazonie, l'archéologie au féminin, c'est chez Belin. Et puis eh bien, vous pourrez certainement, on l'espère, aller très vite prochainement revoir cette très belle exposition des Olmecs au musée du Quai Branly lorsque les musées rouvriront, encore une fois on l'espère, dans les meilleurs délais. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Céline Lezen, Néomi Naguette, Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, François Malordi, Natacha Triou, Olivier Bétard à la réalisation, Olivier Arnay à la technique. Demain, nous aurions dû être en direct du festival Les Utopias à la Nantes qui a malheureusement été annulé à la dernière minute en raison, eh bien, évidemment, des nouvelles mesures sanitaires. Mais nous ne nous avouions pas vaincus si vite. Nous vous proposons donc l'émission qui aurait dû avoir lieu en public mais en version confinée avec les mêmes auteurs au téléphone. C'est notre façon, pas très punk, ma foi, de rendre hommage à ce beau festival qui va tant nous manquer cette année. On parle donc demain de l'SF comme littérature punk. Sortez vos épingles à bourrisse et vos pots de gel. Ça va anarchiser demain. C'est très sec à 16h jusqu'à preuve du contraire.